Poulet au vin et aux verjus. Le nom complet de cette recette de cuisine médiévale est poulet au vin et aux verjus parfumés à la cannelle et au gingembre. Elle est inspirée de hochepot de poulaille, viandier de Taillevent, vers 1380. Ingrédients. Un poulet fermier d'environ 3 kg. 70 g de saindoux ou d'huile. 120 g de foie frais. 300 g de pain de campagne grillé, 800 g de vin, 400 g de verjus, 800 g de bouillon de bœuf, 3 cuillères à café de cannelle, 2 cuillères à café de gingembre, 1 demi-cuillère à café de maniguette, 5 g de sel. La recette. Coupez le poulet en morceaux, conservez le foie, faites-le revenir au saindoux ou à l'huile. Dégraissez. Passez le pain au mixeur avec le foie, le vin, le bouillon. Mélangez avec le poulet, salez et faire mijoter une heure. Ajoutez ensuite les épices broyées et délayées dans une cuillère de verjus, gingembre, cannelle, maniguette et le reste de verjus. Finissez de cuire encore 15 minutes. L'ensemble des recettes est lu par Sabine pour audiocité.net sous la licence paternité, pas d'utilisation commerciale, partage des conditions initiales à l'identique.